Exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue dans l'émission Coexprime, une émission entre jeunes de différentes convictions, présentée par l'association Coexister. Donc moi c'est Éléonore et je suis actuellement avec Adrien, Queen et Ahmed pour vous parler du rapport au corps. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh bien, ça va super, trop contente d'être là avec vous pour faire cette émission. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par des petites questions. La première, peut-être pour qu'on puisse un peu avoir une idée de qui vous êtes. Quel est, vous, votre rapport à votre corps, personnellement? Qui vous exprimez? Vas-y, Queen, commence. Okay. Du coup, alors moi, j'ai eu longtemps des difficultés à voir mon corps. Parce que du coup, moi, je suis une personne qui est assez petite et donc voilà, avec les adolescents, les collégiens, j'avais eu beaucoup de moqueries et donc voilà, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est fini, je vais finir ma vie comme ça et tout. Mais après, je me suis dit, bah écoute, si mon corps il est comme ça, je vais l'accepter et puis je vais m'aimer en plus. Mais après, je sais que c'est pas très facile de s'accepter comme on est, parce que du coup, si on entend tous les jours des moqueries ou du jugement, c'est difficile pour la personne de se dire que, bah, voilà, on a des corps différents et que on peut rien faire à part peut-être faire de la chirurgie esthétique si on a un nez qui est un peu trop moche pour nous ou pour nos proches. Mais pour tout ce qui est de la taille, enfin, je me suis dit, faut vraiment que je fasse un travail sur moi, parce que c'est pas avec le regard des autres que je serai heureuse, ou que c'est pas à cause de leurs avis que je dois passer ma vie enfermée dans ma chambre et à me dire que je dois pas sortir, parce que justement si je sors il y aura tous les regards sur mon corps et que bah je pourrai jamais vivre ma vie en étant heureuse. C'est fort ce que tu dis aussi, parce que on voit à quel point ça peut impacter ton estime de toi, ta confiance en toi, le fait de voilà de enfin ta sociabilité aussi. Ouais. Donc ouais. Bah après je sais que voilà, maintenant c'est différent, je vois mon corps d'une manière qui est complètement, mais à l'inverse quand j'étais enfant ou ado. Mais des fois, enfin comme par exemple quand on va dans les bars et tout et que il y a beaucoup de monde et que c'est surtout les jeunes, là tu te dis bah je vais aborder la personne qui est en face de moi de manière différente, parce que même quand on parle avec les gens, on n'est pas à la même hauteur. Ouais. Et du coup, c'est super dur d'attirer le regard vers le bas. Enfin, normalement, on est censé parler avec la personne à la même hauteur. Du coup, il y aura un contact visuel et tout. Mais dans mon cas, je sais que des fois, je parle, mais genre, je parle dans le vent. Pour te rassurer, là, on te regarde dans le cœur. C'est trop ça. Mais oui, mais ouais, mais je sais que des fois quand je sortais, enfin quand je sors, il y a eu des fois où il y avait des regards et je me suis dit ben là, je vais passer une mauvaise soirée parce que je vais uniquement me concentrer sur leurs paroles, tu vois, parce que je pense que des fois quand ils disent ces paroles, c'est pas méchant. Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, mais à force de t'entendre oui, tu es petite, tu vois les blagues dessus, ça t'impacte forcément. En fait, parce que du coup, pour être sortie plusieurs fois avec toi, effectivement, c'est des remarques qui reviennent souvent. Et en fait, l'impression que ça me donne, c'est que les gens, ils vont le dire parce que voilà, sans méchanceté derrière, surtout que la taille, enfin, on dit tout ce qui est petit est mignon, donc c'est pas forcément penser méchamment. Mm. Mais juste, ce que je peux comprendre, c'est ok, une remarque comme ça, peut-être que pour eux, c'est pas méchant, mais à force d'entendre tout le temps, ça doit être vraiment lourd, quoi, je comprends. Mais je pense que pour eux, c'est anodin, tu vois, c'est une remarque comme les autres. C'est ça. Et par rapport aussi au corps, j'ai l'impression que du coup, dans la société, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, très développées, en surpoids ou obèses. Ouais. Du coup, il y a une acceptation qui est beaucoup plus facile avec ces personnes. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je pense qu'avec les personnes de petit poids. Ah ouais, je suis pas du tout. Non, pas du tout non plus. Vas-y, du coup, toi, ça, ah ouais, déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que si ça te blesse, c'est légitime. Ouais. Même si tu penses qu'ils pensent pas à mal, ça reste quand même légitime ce que tu ressens. Mais parce que ce qui est dur, c'est d'être vu comme un corps ou d'être vu comme une personne. Donc c'est ça de base, ça, c'est un truc qui rejoint tous les problèmes, que ce soit la grossophobie, contre les petits, contre les grands, le fait d'être vu comme un corps. Après, je pense que même si dans la culture populaire, on a beaucoup plus de représentations de personnes obèses ou en surpoids et tout, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de critiques envers les personnes qui sont obèses ou en surpoids ou ronds, ouais, qu'envers les personnes petites ou trop grands. J'ai l'impression quand même que c'est quand même des attaques qui reviennent plus souvent, et les personnes du coup qui sont concernées doivent plus supporter leur corps peut-être que d'autres. Ouais, moi je pense aussi que non seulement, enfin peut-être on en parle plus, mais il y a aussi le fait que quand on parle d'une personne qui est un peu grosse, en fait il y a un jugement derrière et un peu un mépris de cette personne fait pas attention à elle, cette personne elle est en mauvais... voilà c'est ça exactement, alors que petit bah c'est pour rien tu vois, et c'est limite pour une fille, après pour un garçon je pense c'est plus dur encore d'être petit. Ah bon? Ouais. Parce que pour les filles, tu rajoutes le patriarcat, plus le fait d'être gros et tout. Oui, bien sûr. Non, mais par rapport à la taille, genre une fille petite, c'est plus accepté qu'un garçon petit, je pense. Ah, par rapport à la taille, moi je parlais encore du poids. C'est oui, totalement, ouais. Oui. Ouais, je vois ce que je voulais dire. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et du coup, toi, Ahmed, quel est ton rapport avec ton corps personnellement? En fait, j'ai un mauvais estime de soi à cause de critiques, mais je dois accepter mon corps comme il est. Mmh. Il y a de temps en temps, je trouve du monde qui met quelques conditions ou quelques normes pour m'accepter, mais ils jugent juste ma apparence en ignorant ma personnalité. Ouais, c'est ce que tu disais, Adrien, sur le fait d'être considéré comme un corps avant d'une personne. Donc, ouais. C'était une très belle phrase qui résume pas mal de choses. Et du coup, toi, Adrien, ton rapport personnel. J'ai piqué un peu ça à Isult, dans sa chanson de corps. Okay. C'est un peu ce qu'elle a dit. Alors, moi, par rapport à mon corps, je pense que c'est un peu comme tout le monde, sachant que j'ai la chance de faire partie un peu, je pense, des normes. Ouais. Je suis pas trop grand, pas trop petit, je suis pas trop gros, je suis pas trop mince. Du coup, disons que je pense que j'ai un rapport normal. Ok. J'ai pas trop vécu de moquerie par rapport à mon corps. Nickel. Donc j'ai pas trop vécu ce qu'on vient d'entendre. Je pense que comme tout le monde, il y a des jours où je m'aime bien, il y a des jours où je me déteste. Ouais, je pense comme tout le monde. Mais je suis en couple depuis peu et j'ai l'impression que depuis que du coup je suis dans une relation amoureuse, j'accepte de plus en plus mon corps parce que ça m'aide. Ça aide totalement. Ouais. Ouais. Après ouais, ça dépend avec qui tu es, tu vois. Si t'es avec une personne qui est super genre narcissique et tout, et qui te rabaisse à fond, et que elle se dit ouais non, moi je suis plus le plus beau, la plus belle. Ah, oui, ouais, c'est que t'es dans une relation saine si tu te sens beau. Voilà, c'est ça, dans une relation très saine. Donc, super. Trop bien. Ok, et du coup, on en parlait un peu tout à l'heure, Kuhn, tu disais, on peut modifier avec de la chirurgie esthétique, faire aussi, les tatouages, c'est de plus en plus commun, etc. Quelle est votre vision, vous, de toutes ces modifications corporelles, et est-ce que vous serez prêt à en faire ou pas? Je pense que c'est un choix personnel. Ouais. Et moi, j'ai deux tatouages. Oh, trié, trop bien. Que j'ai fait quand j'étais plus jeune, donc j'étais adolescent. Donc aujourd'hui, à 25 ans, je les ai fait à 16 ans. Donc aujourd'hui, je dis pas que je ferai la même chose. Après, je regrette pas parce que ça fait partie de mon passé, mais je pense qu'il faut pas être forcé, il faut pas avoir de pression, il faut que ça soit une démarche personnelle. Ouais, faut jamais le faire pour quelqu'un d'autre ou alors pour plaire aux gens qui te critiquent, ou vraiment que ce soit une démarche personnelle. Après, moi aussi, j'ai l'impression que les tatouages, c'est devenu une tendance parce que, je sais pas, 10 ans avant, les tatouages, c'était pas aussi réputé que ça. Mmh. Alors que maintenant, quand t'es dans une école et tout, à la fac, il y a tout le monde qui te dit « Ah, je veux trop un tatouage » ou « Je veux trop faire un piercing » et tout. Et en fait, c'est devenu... quelque chose que tu dois le faire pour justement être accepté dans la société ou même suivre, tu vois, suivre la tendance plutôt que de se faire accepter. Après, moi, je vois les tatouages comme un art, tu vois, que tu exprimes sur ton corps, tu exprimes ta personnalité, tu exprimes ton passé et tu exprimes ce que tu veux être. Voilà, ça dépend des personnes. Mais comme exemple, là, je parle en tant que vietnamienne, je sais qu'au Vietnam, les tatouages sont très mal vus, surtout chez les femmes. Parce que du coup, déjà chez les hommes, c'est déjà mal vu parce que ça veut dire que t'es dans les gants et tout, et que voilà, il y a de la violence, et tu tues des personnes. Mais maintenant, ils acceptent plus les tatouages, mais chez les filles, oui, t'es une mauvaise fille et tout, même avec les cigarettes et l'alcool, c'est pas du tout accepté. Ouais, donc nous, on a plus évoluer rapidement. C'est vrai que les tatouages, et d'ailleurs pour la première année, les tatouages vont être acceptés au concours de Miss France, donc ça devient okay. un peu une norme. Ah bon, je savais, moi. Ouais. C'était la petite info du jour. Je crois que ça devienne quelque chose qui doit être obligatoire. Ouais, moi j'ai pas l'impression que ça devienne obligatoire, voilà. Mais c'est vrai que c'est totalement courant, banal, et que ça peut être un sujet de conversation, et toi t'as des tatouages comme oui, si, voilà, autour d'un verre, tranquillement. Quoi. Quand on fait un peu attention, quand on va en soirée et tout, je pense qu'il y a une majorité de personnes tatouées que non tatouées aujourd'hui. C'est vrai, c'est possible, c'est vrai. Ouais. Mmh. Ouais. Et aussi, il y a les tatouages, je sais que, quand même, c'est chez les garçons, mais je trouve trop attirant. Ouais. Bah, ça dépend du tatouage. Oui, mais en fait, le tatouage ajoute un charme en plus, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, c'est, je sais pas vous, ah, mais. Je trouve pas, non. Mais du coup, ouais, à l'inverse, du coup, au Vietnam, comme par exemple dans les pays en Asie, les tatouages, voilà, comme je l'ai dit, ne sont pas trop acceptés, mais la chirurgie esthétique, pour revenir sur ta question, c'est normalisé. Okay. Comme par exemple, voilà, aujourd'hui j'ai 18 ans et que c'est mon anniversaire, mes parents vont m'offrir un comme cadeau, genre tu as une opération pour les yeux ou pour horrible. Le nez, tu vois. Ça, je trouve ça horrible. Ah. Mais après, d'à côté, enfin, tu vois, je me dis, si tu n'aimes, enfin, si tu aimes pas ton nez ou quelque chose de ton physique et que l'opération te permet d'être plus en confiance avec toi-même et que du coup, bah, tu vas être en mode, enfin, je suis belle, je vais sortir, je vais sortir comme les autres filles, je vais pas me cacher, je vais pas cacher ma bouche, mon nez, mes yeux, peu importe, tu vois. Je pense que c'est bien parce que, enfin, c'est bien jusqu'à ce que tu n'atteins pas la limite. Ouais. Le truc qu'on se pose la question, tu le fais pour toi ou pour les autres? C'est ça en fait qu'il faut se poser. Parce qu'à chirurgie esthétique, moi, je trouve ça un peu plus affolant que ça soit plus courant que le tatouage, au contraire. Totalement. Parce que la chirurgie esthétique, c'est vraiment. C'est une opération, donc c'est se faire un peu du mal, parce que comme toute opération a des risques. Ouais. Et peut-être qu'après, on le vit mal, psychologiquement, il faut être fort aussi, parce que c'est un changement de ton corps. Et je pense vraiment qu'il faut faire attention et il faut devoir avoir un vrai suivi psychologique derrière pour savoir si la personne le fait vraiment pour elle ou pour plaire à la société ou à un X ou à son copain ou à sa mère ou à sa famille. Après, c'est toujours dur de différencier les deux, la limite entre je le fais pour moi ou pour les autres. C'est pour ça je pense qu'il faut voir un psy avant. Ouais. Mais après, moi, je trouve que de nos jours, avec les réseaux sociaux et tout, c'est encore plus compliqué de ne pas... Comme par exemple, je prends l'exemple des influenceuses. Est-ce que vous voyez une influenceuse qui n'a pas fait d'opération? Bah, il y en a, mais c'est... Mais c'est très rare. C'est un très mauvais exemple, les influenceuses. Voilà, c'est ça. Genre, elles ou les candidats de télé-réalité et tout, c'est horrible. C'est tellement toxique. Ouais. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose qui me fait énormément peur que la chirurgie esthétique soit banalisée comme ça, parce que tu vas avoir des filles de 16 ans qui vont être justement influencées et qui vont se dire « Ah bah, mes seins, ils sont pas assez gros, faut que je fasse une chirurgie esthétique », alors que, mais, en fait... Non, enfin genre pour moi c'est un business qui est lancé est dangereux et qui pousse justement à dire regardez, il faut ce modèle de beauté là et il faut ressembler à ça, tu vois. Et c'est ça que je trouve dangereux pour la société. Après, je comprends pour une personne, par exemple la chirurgie réparatrice, ça je trouve ça génial, les personnes aussi qui font des chirurgies transsexuelles ou transgenre. Transition. Et enfin ça aussi pour moi c'est super important qu'on puisse le faire, que ça soit accessible, etc. Mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Voilà, après, si quelqu'un veut le faire, voilà. Mais j'ai beaucoup de mal à m'imaginer, moi en tout cas, faire une chirurgie esthétique. Et ouais, je trouve que c'est pas forcément positif que ça soit super banalisé comme ça. Après, une maladie aussi. Par exemple, les femmes qui ont un cancer du sein, c'est là, ça sauve vraiment des vies, la chirurgie esthétique, pour des cas comme ça. Oui, après, voilà, ça dépend du contexte aussi, mais en ce moment, enfin, les jeunes filles, surtout sur Instagram, où on voit les femmes avec des gros seins, des fesses énormes et puis une taille de guêpe, tu te dis, à quel moment, sur les 10 femmes, il y a 9 femmes qui se ressemblent, tu vois. Oui, c'est clair. Et toi, du coup, Ahmed, on a beaucoup parlé dans tous les sens, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de tout ça, des tatouages, des piercings, de la chirurgie esthétique? Je pense que chaque culture a ses propres normes de beauté. Et en fait, je vois le tatouage comme quelque chose qui est personnel, mais et le piercing aussi. Mais les chirurgies esthétiques, je ne l'accepte pas de, de modifier une partie de mon corps pour être accepté dans la société. Ouais. Ok. T'as raison. Ok. Mais par exemple, si un jour tu te dis ouais j'ai un nez mais qui est trop énorme, trop important, et c'est pas le cas. Oui, voilà. C'est une émission positive. Non, juste un exemple. Admettons que tu n'aimes pas ton nez. Demain, quand tu te lèves et tu te regardes dans le miroir et que tu te dis, non, mais ça ne va pas. Enfin, ce n'est pas possible. Est-ce que là, à ce moment-là, tu vas te dire, peut-être une opération, ça serait pas mal? Je pense qu'il n'y aura pas un jour où je vais dire quelque chose comme ça. Ok. Génial. En vrai, ouais, moi, je sais que, par exemple... Je sais pas trop si mes parents vont m'écouter, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, ma sœur... Bonjour. Ma sœur, je sais qu'elle a beaucoup de mal avec sa poitrine, elle a été enceinte, etc. Et du coup, c'est quelque chose qu'elle évoque, un sujet qu'elle évoque, de se dire « Mais moi, je suis mal dans ma peau et j'aimerais vraiment me refaire les seins pour que... » voilà. Et nous, on nous dit « Fais pas ça !» et tout. Mais en fait, le truc, c'est que d'un côté, je comprends ton point de vue, Queen, de dire « Mais en fait, il y a un truc qui te dérange à fond et tu peux le résoudre genre assez rapidement. C'est vrai que pourquoi pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que je me dis, pour moi, tu soignes vraiment un symptôme. C'est-à-dire que le fait que t'aimes pas une partie de ton corps, alors peut-être que c'est vraiment que ça et que tu t'aimes sinon et que voilà, t'as peut-être un truc très particulier, ok. Mais pour moi, en fait, t'essayes de soigner un mal-être de l'intérieur, une non-acceptation de toi, en changeant une partie de ton corps. Et en fait, je suis pas sûre que ça aide vraiment, sur le long terme en tout cas, à mieux t'aimer. Bah, je comprends ce que tu dis. Mais je pense que, enfin, je prends mon exemple. Je sais que voilà, j'ai pas de mal avec mon corps, mais je me dis que si je fais quelques opérations, ça serait pas mal, tu vois. Ouais. Enfin, je sais que je serais beaucoup, voilà, plus belle à mes yeux. Mais jusqu'où ça s'arrête? Comment? Jusqu'où ça s'arrête? Il y a toujours un truc à améliorer. Non, mais je sais que je vais juste faire une opération et puis après ça sera fini, mais voilà. Et pour revenir à ta sœur, en vrai, je trouve que c'est pas spécialement ça, parce que tu me dis qu'elle a été enceinte, donc c'est à cause de ça. Non, elle aimait pas déjà la basse. Ah, c'était déjà. Ouais, ouais. Parce que sinon, ça aurait été dans le cas réparatrice, parce que si elle a vécu un traumatisme, du coup, c'est logique de. Non, non, c'est juste, oui, voilà, c'est parce qu'elle a du mal à s'accepter de manière générale. Ah oui, donc c'était déjà de base avant. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je vais vous arrêter là parce que le temps file et on a plein d'autres questions super intéressantes. On va faire une petite pause musicale avec Lady Gaga et on se retrouve juste après. Let me watch you break it down and need it, spend the less though. I got it in your pocket. I got it, just damn. Et on est de retour sur Coexprime avec Adrien, Queen, Ahmed et moi-même, Éléonore, pour vous parler du rapport au corps. Donc, on a bien discuté tout à l'heure et on en était un peu à se dire on avait aussi besoin de s'accepter et que c'était parfois difficile dans cette société-là. Mais du coup, moi, j'avais une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'influence des réseaux sociaux, des médias, des publicités, même des films sur notre rapport à notre corps? Tu veux que je commence? Comme tu veux. Vas-y. Du coup, on a déjà un peu répondu tout à l'heure avec les influenceuses sur Instagram, sur Snapchat et tout. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a une hypersexualisation du corps de la femme, même des enfants aussi, que ça soit, surtout les jeunes filles. Comme exemple, je prends l'exemple des jeunes filles de 10 ans, 11 ans, 12 ans, peu importe. Alors, du coup, normalement, quand tu as 10 ans, 11 ans, tu ne te maquilles pas, tu ne te mets pas en petite robe très décolletée ni en talons. Et là, dans les publicités, on voit beaucoup de jeunes filles avec un rouge à lèvres, avec du fard, avec les talons, avec des robes. Et je trouve que ça, c'est très toxique parce que du coup, ça incite les parents à déjà acheter aux enfants tout ce qu'ils veulent. Parce que du coup, les enfants, ils vont sûrement demander aux parents, « Oui, papa, maman, j'ai vu cette pub, la fille, elle est super jolie, est-ce que tu peux m'acheter ça ou pas ?» Et puis après, il y a aussi une hypersexualisation des seins. Comme par exemple, je sais que dans la société... comme par exemple les hommes, s'ils se mettent en torse nu, on va rien dire parce que c'est les garçons et que ça a toujours été comme ça et qu'on va même dire oh là là, il est tellement beau son torse ou peu importe. Alors que si les femmes se mettent en torse nu, comme par exemple sur la place Tan, ça va être une vulgaire, ça va être ça va être de l'exhibitionnisme. Très bien prononcé, mais. On va traiter cette femme de tous les noms, comme par exemple, je ne sais pas si on peut dire ou pas, mais pute. Oh, le gros mot. Mais alors que c'est juste un organe comme un autre, et pourquoi on fait tant de différences entre hommes et femmes? Je ne sais pas si tu connais, il y a une course tous les ans à New York, c'est américain, c'est pas en France, mais à New York, à Central Park, tous les ans, c'est des femmes qui courent, du coup, sans soutien-gorge, sans t-shirt. Du coup, les seins à l'air pour faire comme les hommes, en fait. Ouais, mais par contre, je sais pas comment elles font. Hein. Moi, ça doit faire super mal. Pas, mes copines, à qui j'en ai parlé, m'ont tous dit, mais elles doivent avoir super mal. De ouf. Mais je pense que c'est plus le message qui est important que la performance. Oui, totalement. Et du coup... Vous Allez, par rapport aux réseaux sociaux. Ouais. Moi, je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que tout ce qui est réseaux sociaux, représentation dans les médias, tout ça, je pense qu'il y a autant de positifs que de négatifs. Je pense que c'est comme dans le monde, en fait. Le côté positif, c'est évidemment qu'il y a de plus en plus de représentations de tous les corps. Ça se passe souvent par les séries, par les films. Par exemple, la série Sex Education sur Netflix, qui est regardée par beaucoup de jeunes, qui montre beaucoup de corps, beaucoup d'organes génitaux différents. Et pour s'accepter, c'est plus facile. Donc, il y a vraiment ce côté body positive. Mais d'un autre côté, il y a aussi les limites de ça, où qu'on voit les limites, on les retrouve plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok. C'est vraiment tout ce que tu viens de dire, en fait, sur l'hypersexualisation, le fait de toujours montrer toujours plus. Ouais. Et voilà, je pense Du coup, pour revenir à ce que tu as dit par rapport à Sex Education, ce qui ressort aussi dans les films, dans les séries, dans les médias, c'est... c'est aussi le côté très sexuel, mais pas sexuel dans le sens où tu montres tes tablettes de chocolat, mais plus dans le côté porno, alors qu'avant il y avait peu peu ou pas du tout de tout ça dans les séries. Et là, comme exemple avec Sex Education, ou encore 365, ou encore 50 nuances de Grey. Pour moi, c'est des séries qui sont totalement différentes pour le coup. Pour moi, Sex Education, c'est de la pédagogie, ouais, alors que Fifty Shades et tout, c'est vraiment juste ça pour le coup, oui, de la sexualisation. Ouais, de la sexualisation, voire de la culture du viol pour 365 oui, jours. Ouais. Oui, mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu montes beaucoup, tu vois, tes parties génitaux. Ouais, tu ouais. Oui, c'est totalement. Ça. C'est vrai que j'en discutais avec un ami. Bah, on viendra après sur la religion aussi, la manière dont ça influence. Mais j'en parlais avec un ami qui est Bahaï. Bon, c'est une foi un peu inconnue, mais qui est une très belle foi. Et pour eux, il n'y a pas de sexualité hors mariage. Et en fait, donc, ils venaient avec nous à une soirée. Et ben voilà, ça drague de partout, ça baisse de partout, voilà. Et ils me disaient, mais en fait... Enfin, j'ai l'impression que dans les médias, dans la société, la sexualité, elle est représentée de manière augmentée à fond. Et que, en fait, pourtant, dans la vie quotidienne, on n'a pas forcément besoin de coucher à fond dans tous les sens. Et aujourd'hui, après, je pense que ça dépend de chacun. Tu vois, mais ouais. Mais du coup, c'est super banalisé de coucher avec un inconnu. Ça, oui. C'est super normal et c'est même... valorisé dans notre société, alors qu'il y a aussi des dérives qui peuvent être au niveau du consentement, où parfois c'est compliqué, etc., surtout dans les soirées alcoolisées. Surtout pour les filles. Surtout pour les filles. Bah, pour les garçons aussi. 97% quand même. Ouais, ouais. Ouais. Mais... Voilà, il faut quand même le dire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je vous coupe parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Juste une dernière question, du coup. On parlait, du coup, là, dans la société, avec les médias et les réseaux sociaux. Comment vous pensez que la religion aussi... a pu ou peut influencer notre rapport à notre corps. Est-ce que, Ahmed, tu veux en parler ? Oui, en fait, selon l'islam, les femmes doivent cacher toutes les parties de ses corps, sauf les mains et le visage. Et elle doit porter des vêtements qui sont vastes. Et par rapport à l'homme, il doit cacher de l'ombilic jusqu'à les genoux. Et les femmes n'ont pas le droit de porter, par exemple, les vêtements qu'elles le plaît dans la rue. Et je vois qu'il y a, je remarque un phénomène que les femmes portent le hijab parce qu'elles ont peur d'être harcelées. Oui. Mais ce n'est pas parce que c'est une obligation dans l'islam. Tu viens de dire que c'est pas une obligation dans l'islam ? Non, c'est pas une obligation dans l'islam. Le hijab n'est pas une obligation dans l'islam ? Non, il est une obligation. Ah, c'est une obligation. Ah, d'accord, j'ai pas compris du coup, c'est pour ça que je te repose la question. Mais du coup, les femmes, elles sont obligées de cacher... une partie de leur corps, c'est parce que c'est par respect pour le mari, pour la famille, ou c'est parce que la religion les oblige à être comme ça. De ce que j'avais compris, moi, y a plusieurs raisons, mais en tout cas, ce qu'on m'avait expliqué, et en tout cas le message que moi j'ai retenu et que j'ai trouvé assez beau, c'est que en fait c'était un peu l'inverse de notre société. Nous aujourd'hui, on se fait beau pour aller dans la rue, pour plaire aux inconnus, ceux qu'on connaît pas, et renvoyer une belle image de nous. Et chez nous, on est en jogging, crade, avec nos potes et tout, voilà. Et en fait, d'après ce que j'avais compris, dans l'islam, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que la femme est considérée comme un joyau, une beauté naturelle. Et du coup, elle doit un peu se préserver aux yeux de la société pour pouvoir dévoiler sa beauté naturelle auprès de ses proches. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de voir la compensation entre les deux, entre notre extrême d'un côté d'être sur les réseaux sociaux, montrer notre image, et de l'autre côté, la religion, surtout l'islam, qui est totalement dans l'inverse et qui, aujourd'hui en France, du coup, peut être très débattue, en tout cas. Ouais. Et du coup, pour les hommes aussi, on protège leur corps comme des joyeux ou c'est que les femmes ? C'est que les femmes. Ah d'accord. Les hommes, c'est pas des joyeux. Pour vérifier. Après, dans les religions, de manière générale, en tout cas, les religions que moi je connais, il y a beaucoup cette idée de la beauté naturelle de l'homme tel qu'il est, à l'image de Dieu dans les religions, et que voilà, qu'il faut pas le transformer, que peu importe la forme qu'on a, on est beau, en fait. Et je trouve ça aussi très intéressant d'avoir cet aspect-là dans la religion, même si, évidemment, il y a, comme dans la société aussi, parfois un peu des dérives qui en découlent. Il y a aussi une raison selon le domaine de psychologie, c'est que l'homme dépend sur la vision. Par exemple, imaginez qu'il y a une publicité de bière, par exemple, et il y a une femme qui est présentée dans cette publicité. Est-ce que vous imaginez un jour qu'il y aura un homme avec un boxeur, par exemple, ou qui est nu à lieu de cette femme? C'est clair. Enfin, oui, si. Ça me plairait bien. Bah ouais, c'est ouf, moi aussi. Ça existe. Pourquoi pas? Si les femmes sont sur les publicités, je comprends pas pourquoi les hommes moi, ne peuvent pas. Moi, je vois plein de mecs dans les torse nus et tout, faut aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que attire plus des clients, par exemple? Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Bah après, les femmes, elles sont aussi, c'est des acheteuses, tu vois. Bah oui. Et donc, si tu mets un beau corps dans les publicités, je suis sûre qu'il y aura plein de. En fait, ça me fait penser à un truc. On est totalement en train de dépasser le temps, mais du coup, voilà. Mm. Ça me fait penser à un truc, c'est que, en fait, souvent, dans les milieux-là, ça va être des hommes qui gèrent, enfin qui sont à des postes importants. C'est pour ça qu'on a eu un biais, en tout cas les dernières années, sur tout est fait pour les hommes. Par exemple, bon, nous en France, c'est un homme qui fait Siri, mais à l'étranger, si on a Alexa, etc., c'est aussi des voix de femmes tout le temps. Mmh. Alors qu'en fait, on sait par les études que c'est juste qu'il faut plutôt avoir la personne du sexe qui nous attire. Et en fait, c'est juste qu'il y a majoritairement des hommes hétérosexuels qui sont dans des emplois de manager, etc. Mmh, ok. Du coup, pour terminer, je sais que chez les bouddhismes, non, bouddhistes plutôt, du coup, voilà, enfin, ils ne sont pas très habillés non plus. Parce que déjà, alors, ils n'ont pas de cheveux. Ils ont le crâne rasé et ils ne portent pas de bijoux non plus parce qu'en fait, pour eux, l'habit sert juste à protéger son corps et c'est pas quelque chose qui permet de valoriser, d'exprimer, vraiment de mettre en valeur le corps d'une personne. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut voir les bouddhistes avec juste des toges et c'est tout. Il y a un détachement total de la sphère matérielle et on considère le corps comme un peu surfait. Une enveloppe. Finalement. Ouais. Et ben, écoutez, merci beaucoup. On a totalement dépassé le temps. J'espère que ça ira. du coup, je vous souhaite une très belle journée. J'étais super contente de faire cette émission avec vous. On se retrouve très vite pour la prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Coexister Nancy, sur Instagram et sur Facebook. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.